Tortoni et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonjour tout le monde, vous écoutez Tortoli et Arbatax, c'est le 105.4, c'est Radio Panique. Tortoli, Arbatax, wow. Tous les mardis, 17h, 18h, Arbatax, est-ce que tu es présent? Ça fait plaisir, j'étais en train de siester un petit peu tranquille, là tu viens de me décrocher une oreille. Donc tout va bien, petit coup de boost, 17h, t'as tout rappelé, voilà, on va se la refaire hein, comme toutes les semaines. Grosse émission, aujourd'hui, du son. La chronique de l'expression de la semaine qui revient. Ah, elle revient de retour. Très bien, très bien. Tu te calmes sur ton micro, hein. Ça va bien. Ça se passe très bien. L'expression de la semaine qui revient, ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis aujourd'hui on a des invités. Les imbibados sont de retour. Ce serait plutôt le contraire là. Donc nous avons convié aujourd'hui des amis à nous du monde de la finance. Ah voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bah, Johnny Cash, hein, parce que non, on ne dit pas ton vrai nom. Hein, je veux rester secret. Dans un climat qui est un petit peu hostile en ce moment envers le. Donc Johnny Cash, nous t'appelons Johnny Cash. Bonjour, bienvenue. Hein, tranquille. Bonjour. Au micro vert et puis au micro orange. Au micro orange qui rigole. Notre ami Jean-Pierre Trader. Jean-Pierre Trader. Bonjour. Ça nous fait plaisir d'être là. Ben, on avait besoin d'éclaircir un petit peu la situation. Donc, on fait un peu de politique de temps en temps. Enfin, de politique. Non, c'est pas de la politique, c'est de l'économie, quoi. C'est de l'économie. Non, jamais de politique, hein. Jamais de politique. Et ça sera plutôt en deuxième partie d'émission. Voilà. Mais avant du son, on va se mettre bien, les gars. On a un petit générique, hein, comme d'habitude. On a comme d'habitude un petit générique. Petite perle, hein, Tortoli cette semaine. Ouais, une petite perle qu'on a. Sympa, ouais. Parce que là, on commence beaucoup à traîner sur un site un peu dégueulasse qui s'appelle Horreur musicale, ouais, il y en a plusieurs comme ça, mais Horreur musicale est pas mal. Et là, on a trouvé une petite perle, je sais pas, ça doit dater des années 80. Tiens, il y a ton téléphone fixe qui sonne. Très bien, je vais aller décrocher. Et en attendant, ça s'appelle Corinne, Catherine. Ouais. Ah, t'as voulu dire non, Catherine. Voilà, c'est ça. C'est très simple, hein, ça fait avant tu peux, après tu peux, mais pendant tu peux pas. Enlève ton Walkman. Allez, c'est le générique de la semaine, on se rejoint après. Des écouteurs me grippent la joue et mes grêles cognent le cou. Moi qui aime tête à tête et câlin, c'est comme si j'embrassais plein de musiciens. Avant, tu peux, après, tu peux, mais pendant, enlève ton Walkman. Tu envahis Bonnie Tyler, submergé Mylène Farmer. Je te demande ni grands mots, ni déclarations, mais tu pourrais au moins nous couper le son. Avant, tu peux, après, tu peux, mais pendant, enlève ton Walkman. Radio Panique présente Tortoli et Arbatax. Ya, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. De retour avec ce petit jingle, tiens voilà du boudin. De la Légion étrangère française, c'est ça? Me semble-t-il, ouais, c'était pendant la Grande Guerre. Ouais. Moi ça m'a donné envie de manger une choucroute. Hein. Ah, c'est bon ça, j'aime cet état d'esprit. Bravo Johnny Cash. Mais attention, pendant le choucroute, on va te cuisiner un peu plus tard dans l'émission. Ça s'appelait Enlève ton Walkman et ça s'appelait Corinne. Hein, Corinne, avant tu peux, après tu peux, mais pendant... Enlève ton Walkman. Et Corinne, c'est son prénom. Son nom de famille, c'est Catherine. Corinne Catherine. D'accord. J'ai un ami aussi qui a deux prénoms aussi. Il a deux prénoms. Ouais, Camille Henri. Ouais. Très bien. Ouais. Très très bien. Passons à la musique. J'ai oublié de dire, pardon, parce que là nous avons nos deux invités, hein, Jean-Pierre Trader et pas Trébert. Où j'ai failli faire le Jean-Pierre Trader. Jean-Pierre Trader et Johnny Cash. Un troisième invité nous rejoindra. Pour l'instant, il est sur une action, un achat. Il est en train de virer des Chinois. Je sais pas ce qu'il fait, une OPA. Voilà, Claude Monet, qui nous rejoindra probablement dans la deuxième partie de cette émission, quand nous aborderons le volet économique. Pour l'instant, musique. On parlait d'état d'esprit hein, tout à l'heure. On a un petit morceau de A State of Mind, ouais. Ouais. Qui sont des rappeurs qui avaient notamment collaboré avec Wax Taylor et d'autres que je ne connaissais pas. Oui, tout à fait. Dont je ne dirai pas le nom. D'ailleurs. Tout à fait, Thierry. Tout à fait. Moi, voilà. C'est Tortoli, pas Thierry. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Tiens, faudra qu'on parle de notre soirée qu'on organise jeudi au Bonnefoy, au fait, un peu plus tard dans l'émission. Hein, il faudra qu'on en parle, qu'on fasse un peu de promo pour nous-mêmes. En attendant, ASM, hein, State of Mind, ça s'appelle Don't Look Back, c'est un nouveau morceau, exclusivité Tortoli Herb Attack, ce sera suivi avec un petit mode selector, et puis en featuring avec un chauffeur de bus, on en reparlera. C'est le 105.4, c'est Tortoli Herb Attack, reste connecté, bébé! Breaking out the inner multiplayers like Sega or Sony. Only keep it real, the musical leader, Jabroni. Sees a little something you can circle, but you don't be. Slowly, but surely I can feel the ever-present evanescence of the now rain down and I'm blessed. Blasted, on the brink, past it. On a road path, giving birth to the antics of crown, y'all tripping. Hounds bark, kittens on the out, cause we're living in the now. Plus smooth on the groove routine. And we keep it moving, keep it moving, keep it moving. This gold and the pure love. Shown up if you're living in the now. Get up, do a damn. Going in the park, don't look back. Keep the wheel spinning and we're living for the funk like we did. For the mystic liquid, get up to crown yours. Sipping out of the cup, don't look back. Glad the strike for the don't forget to smell the flowers on your path. The last of past fades, peace in a boondock. You might find it in the beach from your boombox. Turn it up. Don't live your life in silence. The world can be full of surprises. Strive to embrace them and make it the best out of any given situation. Back to the place where the tale begins and where it ends. At the whims of the rain and the wind. Drown in the crown, claiming the win. Up among your town, new day commands. Never fail by illumination of doubt and how soars. Every particle audible through the sounds. Falls bounce more than a trampoline. In the now, we remain serene and reign supreme. With the don't look back. Live a little, don't look back. Keep the ball rolling, the moment is gold and the pure love. Show love if you're living in the now. Get up, do a dance. Going in the one, don't look back. Keep the wheel spinning and we're living for the funk like we did. For the mystic liquid, get up, this crown yours. Sip another cup. Excel and expel our soul from this hell as a fresh cold brew ski. Better make it three skis. Damn, Coach Fade's getting hyped like the Beastie Boys in the 80s. Making noise for the ladies with the cute grin. Coming through, winning in the end with the groove. Dang. Show up if you're living. living in the now. Get up, do a damn. Go a little far, don't look back. Keep the wheel spinning and we're living for the fun like me. For the mystic liquid, people get up to crown yours. Sipping out of the cup. Tortoli et Arbatax. Quand l'univers impitoyable. Tortoli et Arbatax. Glorifie la loi du plus fort. Mode sélecteur featuring Buzz Driver, le titre s'appelle Pretension Friends. T'as pas compris? C'est pareil. Shit in this house, so like I was snow and effort and with the no effort. I bet you I could change my name to Klaus or something mildly savage. Pick up a sounding chemist from an Orange County dentist. Out of whistling, Dre Dane, eating that poetry, readings at AA meetings that text you. Pictures of Batista or Cervix or dead bodies from a Middle Eastern skirmish. Damn, I'm also suited in broke gross boobies that sex with Snow White at the gym on pedal bikes. Replenishing electro lights, you're honored. I diss my junk in the fondue. Told boy stories, show my blonde pubes. I'm from the Church of Satan's archdiocese. On fire, fire pits and hard giant tits. Women flirt with about 30 Asian chicks for herniated disc, eating turkey bacon bits. Nigga. Oh, hey, boo, how you be? Oh, I saw you at the Cannes Film Festival. No, that wasn't me. You didn't see me down there. Baby. Oh, yes. You talk about Cannes, you a con. Tell me about it. I saw you getting jiggy at Sundance with no pants on. In Holland? Mm-hmm. Hmm. Do tell. I bought those shoes also for 30 euros in the Champs-Élysées. Nigga, please. These shoes, this cummerbund? A step, hon. Oh, and by the way, the pate? The pate was fabulous. Goose liver, nigga. Yes. Get him! Oh, I know, you want my arm. I know, your brain's a bunch of decoys. When the straightest fiddle off of the gourmet kip with your solar plexus begin this trouble, pinch the dribble, pinch the pigs, or bitter it is. My friendship's like a health plan. I think all the multi-tiered pillow telegram, the movie trailer leaked. Well, help think it's a promise, buddy. My script writing takes three worlds to understudies. I join the Congress of the Water Buffalo. A whole stop and hold, I'm rock sold through the double O's. Y'all niggas too think I'm a hot date with a prop bait slashed out on my ballot box. Salad tossed into a chocolate cake, cause I'm so cute. But Jose, look at me and their water breaking. Babies pop out with one cold tooth. C'était qui? Ouais. C'était qui? C'était qui? C'était Mode Selector, les deux Allemands, from Berlin. Ouais. Et ils étaient en featuring avec le chauffeur de bus Bus Driver. C'est ça. C'était ça ta vanne d'avant chanson. Tu viens de comprendre. Ouais, c'est... Ah ouais. Ça fait plaisir. Mortel. On est en réaction tous les deux. On est en connexion, je veux dire. Si t'en as d'autres, tu sais que tu peux. Tu sens une symbiose. Bon petit morceau. Hein. Pretentious Friends. Petite tuerie, quoi. Pas dégueulasse. Ouais, petite tuerie qui est issue du dernier album Monkey Town, la ville des singes. Ah, ok. Voilà. Monkey Town. Monkey Town. Et dans cet album, il y a notamment des featuring avec Tom York, le leader de Radiohead. Ouais. Il y a aussi avec Antipop Consortium, avec Miss Platinum. Enfin, voilà. Bon. Miss Platinum, la roumaine. Ouais. La roumaine. Exactement. Bien. Que du bon. On passerait à l'expression de la semaine, la chronique qui revient. Je sais qu'elle vous a manqué la semaine dernière et peut-être les deux dernières semaines. Juste, fais un signe de. Oui, j'aime pas trop que. C'est ferme ta boîte à camembert. Voilà, la camembert. D'accord, vas-y. Juste pour dire que Mode Selector sera en concert ce samedi au Beaux-Arts électronique. Tout à fait. Festival. Et voilà, il vous en coûtera 15 euros. Good job. Je dis un chiffre comme ça. Good job, Tortoli. 15. Et au fait, on n'oubliera pas de parler de notre soirée au Bonne Foy jeudi. Hein. On n'en oubliera pas. On n'en oubliera miette, pas. Pas une miette. On dira tout, on dira. Voilà. D'accord, dans les détails. On va en parler. Ok, c'est cool. Expression de la semaine ou pas? Allez, 105.4. On est reparti. Il y a un jingle, il n'y a pas de jingle. T'as des copines, t'as pas de copines? Non. C'est un enchaînement fondu. Nickel. Façon raclette, quoi. Fondu en ouverture, hein, comme on dit. Façon raclette sur logiciels. Les pistes. Très bien. L'expression de la semaine, Tortoli défend une expression qui met sur le tapis comme ça. Moi, je riposte avec une autre expression que je propose. Toi, ton expression, ça serait basé sur le bégaiement. Voilà, tripler toutes les syllabes. Donc proposer, ça fait proposer. C'est génial. Oui, c'est un peu long, mais c'est. On va y arriver. Long game mission. Voilà, on est toujours en compagnie de nos amis Johnny Cash et Jean-Pierre Trader. On n'oubliera pas de parler d'économie, bien sûr. Bien sûr, on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Et ils auront leur mot à dire forcément sur l'expression de la semaine. Peut-être en auront-ils à proposer, peut-être n'auront-ils pas. On ne sait pas. On est encore sur l'incertitude. Peut-être sera pas bien. Peut-être ce sera hors compétition. Peut-être ce sera dans la compétition. On verra. Tout est négociable. Tortoli, j'ai envie de te demander quelle est l'expression, ton expression de cette semaine. Mon expression de la semaine. Ouais, bonhomme. Mon expression de la semaine est la suivante. Elle est issue du vocabulaire, du lexique bruxellaire. Ah oui. L'expression est la suivante, tirer sur la tiche. Tirer sur son tiche. Oui, je vois bien ce que c'est. Voilà, tirer sur son tiche, tu l'as très bien mimé. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo pour le. Est-ce que nous. Non, je pour c'était pour nos amis du monde de la finance, vous avez compris, hein. Tirer sur son tiche. Je viens de comprendre. Voilà, hein, c'est un peu s'astiquer le manche à balai. Voilà, ce genre de choses. Voilà, tenir le manche. C'est aussi pour dire. Non, mais tu fais quoi là? Tu tires sur ton tiche là? Voilà, je sais pas si on peut dire ce mot, c'est tu branles quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Pour les feignants en fait. Voilà. Hein, ouais, c'est dans un langage plus soutenu. Adressé aux feignants. Tirer sur son tiche, très bien, c'est validé, ça va plaire, je pense. Hein. Ça va, je sais que toi t'as un auditorat. Un peu masculin. Ouais, très masculin, qui aime bien ce genre de. Je sais que. Au cuit. Je vois tout que en haut. Toi, tu rameutes large. Hein, c'est bien, là, ça va plaire. Bon, moi. Que se passe-t-il face à tirer sur son tiche? Est-ce qu'on aura le droit cette semaine à une expression de qualité, je veux dire. Enfin, oui, vas-y, excuse-moi. Parce que là, on a laissé passer deux semaines, peut-être que là. Non, mais ça m'a bien reposé, et du coup, je suis de retour, bébé. Ah, il est de retour. Et ouais, et là, tu vois, c'est ça mon expression de la semaine. Là, je te l'ai glissé comme ça. Bébé. Petite quenelle, c'est bébé. En fait, tu donnes une petite phrase, voilà, et puis tu finis par bébé. Celle-ci, tu vois, je te l'aurais pas prise. Non. Je te l'aurais laissé, volontiers. Ah, parce que ça, tu admets que des fois, tu m'en prends. C'est arrivé la nuit, je suis venu comme la petite souris chercher sous ton oreiller. Voilà. T'en fais pas, bébé. J'en ai sous le coude. Donc moi, c'est bébé, quoi. Bon, ça, on peut dire baby. Baby. Mais tu peux le faire à la French. Tu peux faire bébé. Bébé. Ah ouais, d'accord. Moi, je trouve, je préfère la French. Tranquille. Bon, bah c'est ça. Et puis, bah peut-être que Johnny Cash en a une à proposer. Il me tire un petit peu sur le froc. Il te tire sur la tiche. Non, depuis tout à l'heure, il tire sur son tiche. Et là, il va se mettre au boulot. Alors, quelle est, Johnny, ton expression cette semaine? Alors moi, donc, ça vient de la salle des marchés et il est utilisé tout le temps. Alors, salle des marchés économique. Déjà, voilà, économique. Hein, on parle de poireaux, d'économie, d'accord. On est dans le glossaire économique. Mais ça reste une salle de bourse. Voilà. Donc on reste un petit peu dans sur le tiche. Voilà, il y a toujours un rapport. Très bien, très bien. Donc l'expression, c'est ASAP. Je te reviens ASAP. Donc le diminutif de as soon as possible. Je te reviens dès que je peux. Et le ASAP est tout le temps employé. Voilà. Je te reviens ASAP. J'aurais voilà. dû me douter. Ah, tu m'aurais pas expliqué, j'aurais rien. Je te rappelle ASAP. Ok. Voilà. J'aurais dû me douter. Tu me fais ça, ouais, tu me fais ça ASAP. Voilà, celle-là on peut l'utiliser tout le temps. Voilà, donc j'invite tous les internautes ASAP quoi, ASAP, à voter pour mon expression. As soon as possible, mais j'aurais dû me douter que Johnny Cash était un petit peu anglais, un petit peu américain comme ça. Bah forcément, forcément. Johnny je veux Cash. Dire. Ouais, on parle un petit peu l'English dans les salles de marché. Ou d'ailleurs en parlant de tiche, il y a des effets de levier. Hein, sur les cours de la bourse, effet de levier. Alors, je vous laisse l'image de l'effet du levier. Attends, je suis sur Google Images là, je cherche. Ouais, vas-y, bah, regarde l'effet de levier. Ah ouais. Ouais, descends un peu, c'est page 3, je le connais par cœur, j'ai déjà cherché. C'est référencé cette sur blague, You. Cette blague était préparée. Non, non, sur You, que dalle. Pas de publicité. Sur YouTube. Alors, sur ma petite feuille sur laquelle on prépare l'émission, hein, y a toute la chronologie de l'émission. Je sais qu'après l'expression de la semaine. Donc, l'expression de la semaine, par contre, hein, ça c'est marqué, je dois rappeler qu'on vote sur Facebook. Voilà, ouais, ça c'est. Pour son expression préférée. Donc, cette semaine. C'est une de tes fonctions, Arbatax, de rappeler ce genre de choses, de remettre. C'est pour ça que je suis là, ça fait plaisir. Voilà. Donc, si tu me laisses parler, je. Vas-y. Oh là là, non. Vas-y. Alors oui, donc c'est tirer sur son tiche contre bébé en fin de phrase contre ASAP as soon as possible. Voilà, votez sur Facebook, votez par mail si vous faites partie des gens qui n'ont pas Facebook. Et Dieu sait que vous êtes quelques milliards. Mais c'est comme ça que ça se passe. tortoli@gmail.com. Ou alors on peut aussi voter sur Bloomberg. Voilà, tout ça réagit quand même. Bloomberg. Ça réagit. Là, on est en plein rush. On est en plein rush. Et en parlant de rush, on parle d'une soirée. On parle d'une soirée au Bonnefoy jeudi. Ah oui, donc c'est. Ouais. Tu veux en parler. Je vais en parler. Ok, très bien. Juste après ce jingle. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je me présente. Je m'appelle Tortoli. Je suis pas mongolien. Je suis sourd. Et ça te fait pas de la peine? C'est possible, mais toutes les télés ont parlé de cette histoire. Et je ne suis pas tout seul. Ah, vous êtes plusieurs? Deux. C'est un début. Je m'appelle Arbatax. Je fais partie du FBI. Comme par hasard. Je suis quand même pas plus con que tous ces imbéciles. Nous sommes Tortoli et Arbatax. Faites des piques assiettes du pouvoir. Qui vous a dit ça? Et quand vous l'aurez plus ce pouvoir, vous savez, vous allez vous retrouver dans la merde. C'est votre élément, la merde. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est des mouches à merde. Et maintenant, un petit peu de musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. De retour sur les ondes de Radio Panique, vous écoutez Tortoli et Arbatax, comme l'a indiqué le jingle si précédent. Et voilà. Très très bien, bravo. 105.4 et on parlait d'une grosse soirée au bar Le Bonnefoy dans le centre-ville de Bruxelles. C'est ce jeudi dans deux jours. Donc on commence la promo. Hein. On est j'espère qu'on est as soon as possible. Là, ça y est, on s'instique le tiche. Ouais, ça y est. Où on arrête et on commence la campagne. Donc mini panique. Parti ce jeudi au Bonnefoy. J'ai le flyer sous les yeux. J'évite de parler de la photo. Elle parle d'elle-même. C'est un petit peu partout dans Bruxelles. Faudra. Je vous laisse. Ouais, c'est classe. Hein, c'est très classe. C'est une belle affiche. On peut pas la rater. Jeudi 27 octobre, Tortoli Arbatax seront aux platines et ils invitent même des potes. Et oui, parce qu'on a quelques amis et il se trouve que. Oui, tu fais bien de le préciser parce qu'on n'aurait pas cru. Les gens croient souvent, ils nous croisent dans la rue, ils disent est-ce que vous avez vraiment des amis? Est-ce que. Voilà, parce qu'on vous voit souvent à deux quoi. Oui, c'est vrai. Non, on a également des amis, mais il se trouve que nos amis là qui seront présents ce jeudi, ils officient, ils opèrent le mardi comme nous. Voilà, et donc on invite notre pote Dr Quest, hein, qui a l'émission Quest for the Beat le mardi aussi sur Radio Panique. Dr Quest, on vous laisse checker, on a mis le lien sur l'événement Facebook, vous pouvez le checker ce qu'il fait. C'est sympa ce qu'il fait, hein, Dr Quest. Là, s'il nous entend. C'est pas mal. Voilà. Hein. Là, il est en train de tirer sur son tiche en écoutant Radio Panique. T'inquiète, bébé. Dr Quest, big up, on se voit jeudi au Bonnefoy. On invite aussi nos potes de G-Boutique qui seront là d'ailleurs justement à 18h. G-Boutique, musique du monde, ils vont nous ambiancer toute la night aussi avec de l'afrobeat, de la cumbia, enfin c'est toutes les musiques du monde qu'ils ont l'habitude de passer dans tout leur ça, émission. Tout ça. Donc ça va être un petit peu caliente. Et puis il y a nous. Et puis il y a aussi un pote DJ qui s'appelle Antoine de la Vega, qui n'est pas sur Panique mais qui est un bon pote à nous. On lui fait un petit salut d'ailleurs. Mais Antoine, qu'est-ce qu'il joue à jeudi. Qu'est-ce qu'il joue? Alors Antoine, bon, ça dépend. Il est, des fois il est lounge, des oui. fois il est un petit peu plutôt dansoul. Enfin, il est flex. Le Allez, il est multi, il est super flex, multi référencé. Et là, on lui a demandé de sortir le meilleur jeudi. Et on a d'ailleurs un petit extrait. Il nous a envoyé un teaser, hein, comme on dit. Il nous met l'eau à la bouche. Aujourd'hui, comme disent il les jeunes. Il va nous mettre l'eau à la bouche. Un petit teaser, et voilà, Antoine de la Vega, ça ressemblera aussi un peu à ça. Il y a du hip-hop, il y a de l'électro, c'est bien léché. Il fait ça bien, Antoine de la Vega. Donc rendez-vous jeudi au Bonnefoy et on vous laisse avec ce petit teaser. Excuse-moi, c'est combien? C'est gratos. Excuse-moi, il y a moyen? Mais c'est gratos, ah ouais, quoi, c'est gratos. Ah d'accord, d'accord. Ouais, tu viens, tu nous sers la pince, tu danses, tu... Je me sers la pince. Tu tires sur ton quiche, tu... bébé, ah ouais, quoi. Ok, okay, ça va. Allez, on s'envoie ce mix à Zap et puis on se rejoint juste après, ça dure une petite dizaine de minutes. On se rejoint après avec nos amis Jean-Pierre Trader et Johnny Cash. Ça va me permettre de tirer sur mon tiche tranche. Tortelier Arbatax. Radio. Panique. 105.4. Thank you. full scene. Too sweet to be sour, too nice to be me. When on the top guy style, I'm not too keen. Trying to change the world, I will plot and scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Ace O'D. Fun radicals, that's my dream. Motif for sticking to me. Tortoli. Arbatax. Radio Panique. World. De retour sur les ondes de Radio Panique, vous écoutez le 105.4 et l'émission s'appelle Tortoli et Arbatax et on a trois invités financiers. Plus ou moins. Enfin, Denis, apparemment. Tout à fait. Juste avant d'en venir à nos amis et ennemis financiers, c'était le mix d'Antoine de la Vega qui sera présent au Bonnefoy ce jeudi pour la soirée. Dans son petit mix teaser, il y avait Flying Lotus, il y avait Ganja Sufi, il y avait Grammatic, il y avait Amon Tobin. Ça a fini avec les Beastie Boys et Deepak. Hein, je pense que ça se dit comme ça. Voilà, il y avait six bombes de tune. Pas mal. Merci Antoine. On se voit jeudi et on passe Deepak. Maintenant. Au volet financier de l'émission, ça va arrêter de tirer sur son tiche, ça va bosser maintenant. À ma gauche, c'était Johnny Cash, voilà de retour. De retour. Toujours bien, ça va, ça se passe. Très très la bien. La musique, c'est bon. Je kiffe le dernier mix, là, était très très bien. Pas mal, hein, pas mal. Vivement jeudi, bien vu. À Zap. Ah voilà les gars. Et il y a Claude Monet. Hein, bonsoir. Un lien familial avec le peintre ou je suis de Giverny. D'accord. Il est de Giverny, d'accord. Donc c'est Monet, c'est pas Monet AIE à la fin, c'est Monet ET. D'accord, très bien. Je croyais qu'il y avait un rapport. D'accord. Et Jean-Pierre Trader, qui est toujours là. Trader, hein. À pas confondre avec Trader. Les gars, nos amis qui nous écoutent ne comprennent pas grand chose comme nous-mêmes, hein, parce que Tortoli et Arbatax, on comprend pas grand chose à la finance, tout ça. Non, ça n'est pas notre truc. Et en fait, moi, j'aimerais bien avoir quelques définitions et les auditeurs aussi sur 2-3 mots qu'on entend souvent dans les médias, etc. Nous, on n'y comprend rien. Il faudrait que vous nous expliquiez. Par contre, j'ai bien peur qu'il y ait des indignés qui se cachent parmi vous. Et je crois qu'il y en a quelques-uns qui rigolent ici, qui ne seraient peut-être pas banquiers, je ne sais pas. Donc, je vais essayer peut-être de vous coller. Je vous donne 2-3 définitions, vous nous expliquez ce que c'est, hein, et puis on verra qui nous donne la meilleure explication et qui sont les imposteurs. Très bien. Ça marche ? Ok, première question. Oui, monsieur. Une émission préparée. Les gars, première question, qu'est-ce que c'est que le dividende? Je demande par exemple à notre ami Claude Monet, dividende, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, le dividende, il en revient pas, il peut pas croire qu'il y ait des gens qui sachent pas ce que c'est. Il sait pas rendre la monnaie de la pièce. Ah non. Non, sur ce coup-là, ça vous gêne pas trop dans votre... Ça vous gêne pas trop dans votre métier, non? De dividende, bon, de pas trop ça. C'est abstraction de définition. Voilà, c'est ça. C'est monsieur Monet, d'accord. Ça, c'était monsieur Monet. Monsieur Trader, peut-être le dividende, vous pouvez nous expliquer ce que c'est, un dividende, le dividende, non? Pas facile à expliquer, hein, ce que c'est un dividende, hein. Quelqu'un qui... Allemand. C'est de l'allemand. C'est de l'allemand. Oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est une possibilité. Il est également possible que ce soit beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Tout à fait. Merci, monsieur Trader. Peut-être on en revient à Johnny Cash, peut-être qui aurait peut-être une. Voilà, qui nous a proposé Azap tout à l'heure. Hein, on le remercie. Peut-être on se sauve, peut-être avec monsieur Cash qui nous expliquerait ce que c'est que dividende. Je parle au conditionnel maintenant. Allez, en une phrase, il faut détenir des actions et c'est la distribution d'une quote-part du revenu généré, du résultat net de l'entreprise. Très bien. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais on vous expliquera ce que c'est. Vous posez tout le temps des questions. Au moment où il ne faut pas. Alors non. Moi je vous dis non. Voilà. Merci monsieur Johnny Cash pour Oui, c'est vrai. Mais c'était encore plus clair avant la définition pour moi. Ouais. Mais c'est très bien dividende. Messieurs les financiers, qu'est-ce que c'est qu'un golden boy? Attendez. Est-ce que c'est une nouvelle question? C'est une nouvelle question. Peut-être. Monsieur, on commence par Johnny Cash. Monsieur Johnny Cash qui avait la parole juste à l'instant, peut-être un golden boy. Qu'est-ce que c'est un golden boy? C'est comme Jérôme Kerviel. Un mec qui a beaucoup de milliards quoi. Est-ce que c'est un truand en fait? C'est un trader. Il peut faire les choses bien ou il est obligé d'être un petit peu. Un golden boy normalement c'est quelqu'un de la salle des marchés. D'accord. Golden boy. Oui. Moi je pensais plus à une belle montre, un beau costard et, ça, hein. Et des femmes, voitures, voilà quoi. Tout ce qui s'ensuit quoi. Voilà. Et alors ça, c'est très un homme tordu, qui aime le sexe. Bougrement intelligent. Tout à fait. C'est très tordu. Ça aime le sexe, ça. C'est plus penché sur le sexe, c'est plus en fait, penché sur le sexe. D'accord. Merci pour ces définitions différentes, hein, différentes. On va passer à la question numéro 3. En fait, chacun se fait une petite opinion des réponses, quoi. Voilà. Question numéro 3. Facile et pas facile, je dirais. Jean-Pierre Trader. On va commencer par Jean-Pierre Trader, oui, tout à fait, qui a envie de répondre à cette question. Le footsie, en fait, hein, le footsie, hein, on entend comme ça, on voit dans les journaux, footsie. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, le footsie? Peut-être pas dans votre service, quoi. C'est peut-être pas votre spécialité, ouais, c'est ça. Désolé. C'est ça. Monsieur Monet? Un sport, non? C'est un sport national de... Une catégorie de population, je dirais, proche de Wall Street. Et tout à fait. C'est un sport qui est aimé vraiment par les banquiers, les gens de ce milieu-là. Tout à fait. Oui, c'est ce que j'avais pensé aussi. Le footsie, peut-être Johnny Cash, une définition différente. Alors, c'est un indice sur la place boursière de Londres. Donc c'est comme le CAC 40 et le DAX sur le marché allemand, par exemple. On parle du footsie. Footsie, d'accord. C'est une possibilité. Il est également possible que ce soit beaucoup de bruit pour rien. C'est vrai. Bon, merci messieurs pour ces petits éclaircissements, je dirais, sur le monde financier. Je pense que ça nous aidera peut-être à trouver qui sont les vrais financiers dans cette salle et qui sont les indignés. En fait, les imposteurs, il y a d'ailleurs un kéfier ici qui traîne. Je pense pas que ce soit l'habit du banquier, ça. Ah non. Nickel. On sait pas. L'habit ne fait pas le moins. On se passerait peut-être quelques chansons d'ailleurs, hein, quelques bitunes ou bitunes. Ouais, on va tenter de se faire un minimisme tune. Minimisme argent, monnaie. On fait le mix monnaie. C'est parti. On se rejoint dans 5 minutes. On balance ce qu'on a. Ça parle de fric, ça parle d'oseille. C'est Tortelier Batax, les Golden Boy. Jean-Pierre Trader, arrête de tirer sur ton tiche. Wow. Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas, et t'en connais. Mais dans ce monde, on pense tous monnaie monnaie. Ceux qui trafiquent les petits caïds et puis les gros bonnets. Car en vrai, on pense tous monnaie monnaie. Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond, on pense tous monnaie monnaie. Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais. Comment veux-tu que je me taise? Y'a que du béton, des murs de ciment, peu de sentiments. On vit à plein temps, peu de centimètres. Mais comment s'en tirer sans séquelles et surtout sans mal? La vie c'est cher et de nos jours t'as pas grand chose pour 100 balles. La route est longue, je rêve quand même d'or et de platine, de belles voitures et de blondes à forte poitrine. Monnaie monnaie car y'a trop de gens qui en manquent. On rêve de s'en sortir, remplir les comptes en banque. Y'a trop de belles choses autour de nous qui nous appâtent. On est tous des inconnus, on veut tous gratter sans patate. Tous dans l'attente, dans un monde où tout s'achète. L'argent c'est dur à gagner si t'es pas vedette ou athlète. Regarde par la fenêtre, on compte tous pour la monnaie. Illicite ou honnête, chacun son approche va se plier. Ici on se situe à la tâche même. 10 à la race, à 12 piges, suivi pour voir la rage. Je demande d'où nous provient la rage. On veut le cash, mec. Le truc qui rachète toi et tes flics, mais où tu le caches, merde. C'est la cata, ils veulent nous voir plus baguette. On se gratte comme des crétins, mais ça colle pas à notre caractère. On a la patate, les gros et les bagages. Au micro, on se propage, se balade sur de véritables thèmes. On s'approche tel quel, nous, nos dégaines d'armageur. On veut la monnaie, monnaie, on sort des couplets de braqueurs. Ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas. Et t'en connais, mais dans ce monde, on pense tous monnaie monnaie. Ceux qui trafiquent les petits caïds et puis les gros bonnets. Car en vrai, on pense tous monnaie monnaie. Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond, on pense tous monnaie monnaie. Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais. L'argent appelle l'argent, les gens sont odieux quand t'es fauché. La dégaine peut soigner, le regard lointain, l'air effarouché. Sur les pieds j'ai louché, plutôt que me toucher, me gratter le cul. Je me suis dit mourra qu'faut leur tomber dessus. Et ce sens est souchant pour bête, rester digne fier. Même si pour se préserver, pour moi c'est le faire. Je préfère éviter les compromis qui ne sont pas mon avantage. La petite pensée comme quand on prend de l'âge. On passe, on ne sait pas qu'on a faim. I like cash, cash. I like cash, cash. I like cash, yo. I like cash. You need cash, cash when it's time to eat. Got loot, I'ma bless my feet. Fly clothes coming off the rack. No face, throw it on my back. Son, I bounce from the store with sacks. Wanna ask, can I spare a dime? Son, I need cash for my grass and my studio time. See the streets, don't pass the checks. Get a bank, roll the dough if you want respect. To the man, he can say the same. I want it all in cash, yeah, gas. Fuck the thing, recognize it's the green and blue. I'm trying to get a Benz on the road and my girl the jewels. You should know what's about the dough. So I'm getting half up front for a rock show. So low, but I hang with friends like Ulysses S. Grant and Benjamin, yo. Take my pay, I like cash. Yo, worldwide we don't take no shorts, we take cash. Yo, ask me how I take my pay, I take cash. Yo, y'all know how them streets get down, we like cash. Yo, ask me how I take my pay, I like cash. Yo, worldwide we don't take no shorts, we take cash. Yo, ask me how I take my pay, I take cash. Yo, y'all know how them streets get down, we like cash. Yo, cash put it in my ride. Five girls wanna hop inside. So I'm about to work in the same. It's the art of the DJ. Madness said, Eve, now listen to me. Anything you want you can have. So be a good girl and let's make a deal. Swimming pool and full cargo. Your friend, the door's opening. Anything you want that you need. Whoever you need, they're acting so sweet. Money changes everything.

Ouais, la fin, en pleine face, on va se la prendre. Mais on a peut-être encore 5 minutes, on est toujours avec nos amis Claude Monet, Jean-Pierre Trader et Johnny Cash. Ah, les fameux, les grands de ce monde. Qui sont venus nous expliquer un petit peu l'économie, etc. Nous définir un petit peu tout ça. Mais j'ai bien peur qu'il y ait quand même des imposteurs, hein, qu'il y ait des indignés dans la banque qui se soient glissés. J'avais une dernière question, les gars, avant de vous laisser partir. La grande question, je dirais. La grande question, vous l'attendiez, je pense. La crise, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la crise, quoi, début, fin, un schéma, ce que vous voulez, faites un camembert, un graphique, mais vous nous expliquez simplement ce que c'est la crise en une phrase ou deux, quoi. J'ai envie de dire, peut-être si quelqu'un veut prendre la parole d'abord, je ne sais pas, peut-être Jean-Pierre Trader qui a beaucoup parlé. Ouais. On va lui laisser un petit temps de parole. Quoi. Ouais, là je pense que c'est vrai que ce serait totalement. Totalement juste de laisser commencer Jean-Pierre Trader. La crise, rapidement, pour... La crise, en deux mots. Voilà, C'est si nos hommes d'État arrêtaient de tirer sur leur tige. Ouais, exactement. Ils devraient peut-être plus s'occuper de la politique que des femmes de ménage, quoi. Ça serait mieux. Dis donc, oui. C'est vrai. C'est un avis sur la crise. Et donc, ce serait un petit peu la fainéantise, les hommes politiques qui ne sont pas tout à fait là où ils devraient être, quoi. Et ça explique la crise. Oui, c'est vrai, c'est une opinion. C'est très tordu, mais bougrement intelligent. Peut-être Claude Monet, qui réagit, qui bondit sur... Mais oui, je dirais la crise, le FMI, on associe ça. Bon, FMI. Saucisse. Est-ce que, on va parler de saucisse. Est-ce que FMI, femme de ménage indignée, est-ce que voilà, on peut faire l'association entre les deux. La saucisse entre les deux. Est-ce que la crise est liée vraiment à la vie sexuelle de nos dirigeants politiques et du monde de la finance? C'est le sexe, en fait, qui est vraiment le pire ennemi de la finance et le meilleur ami de la crise. Oui, tout à fait. Claude Monet questionne. Des avis très tranchés, très tranchés. Peut-être Johnny Cash, je vois qui peut-être aurait un avis différent, parce que jusqu'à maintenant, il a toujours été un petit peu vraiment dans... Je ne comprends pas ce détail. C'est tout à fait. Bon, la crise, alors, pour vous, c'est simple, c'est compliqué. On comprend, on ne comprend pas. Est-ce qu'on connaît vraiment cette crise? Non, moi je dirais qu'on ne comprend pas. Alors le plus simple, c'est de lire Le Monde économique du jour, en page 2, l'éclairage de Martin Wolf sur le mercantilisme structurel du centre de la zone euro génère la crise de sa périphérie. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais on vous expliquera ce que c'est. Vous posez tout le temps des questions. Au moment où il ne faut pas. Alors non. Moi je vous dis non. Voilà. Je crois qu'on a un avis un petit peu plus clair maintenant sur qui est imposteur et qui maîtrise un petit peu le sujet et qui s'en est mis plein les fouilles durant ces deux dernières années de crise, hein, je pense. Voilà. Il y en a un qui n'est pas bien pleine. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Tortoli, t'as une idée, toi, qui sont les imposteurs ici, peut-être? Johnny Magouille, là. Johnny Cash. Cash, c'est son nom de famille. Je pensais que c'était Magouille. Ah oui, pardon. Ah, ok, d'accord. En fait, c'est un indigné, en fait, lui. Ouais, Madoff, là. Voilà, et bah voilà. Bah, monsieur Johnny Cash, merci, mais vous êtes démasqué, vous n'êtes pas du tout du monde de la finance. Monsieur Trébert et monsieur Monet, veuillez régler cette histoire. Trader. J'ai dit quoi? Trébert. Ah, j'ai dit Trébert. C'est Trader, pardon. Trébert, très basse. Il est où, Trébert? Il en est où, là? Il court toujours? Il est dans la forêt? Il cherche son œil, apparemment. Il y a un œil qui est parti sur la droite. Nickel. Bon, et ben les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était Tortoli Arbatak. Merci à vous. On n'oublie pas de vous rappeler, en tout cas, à tous, qu'il y a une soirée au Bonne Feuille avec Tortoli Arbatak, les amis. Ce jeudi. On va se mettre bien. Vous voyez où c'est le Bonne Feuille? Ouais, c'est rue des Pierres, c'est juste en face du paquis, quoi. Voilà, c'est en face. Il n'y a pas de soucis, c'est au niveau de l'arrêt bourse. L'arrêt bourse, voilà. On reste toujours dans la thématique économique. Voilà. Et pour en finir avec l'économie, sachez que la soirée est gratuite. Donc voilà, ramène tes copines, ramène ton frère, ta soeur, tout ce que tu veux. Merci bébé, merci. Et d'ailleurs, dans le line-up de ce jeudi, il y a Djibouti, l'émission qui nous suit juste derrière, là, voilà. que je sens me tapoter les fesses tranquillement. On va leur passer le relais, ils arrivent là à 18h sur Radio Panique. On va se checker la main et on va leur laisser la place. Mardi prochain, émission Réservoir Dub, ça je sais pas si tu l'as dit Tortoli, émission spéciale Réservoir Dub, qui vont nous parler de leur soirée avec Jatari au Brasserie Bellevue. Prépare tes pétards. Voilà, ça va être, t'inquiète, t'es gros comme ça. Et puis on se quitte avec un classique, toujours sur la monnaie. Ça s'appelle Pamelo Munka. Ça vient du Congo, c'est l'argent appelle l'argent. Rappelez-vous, il y avait le Bissau Nabissau qui avait repris ce morceau, non? Ouais, exactement. Voilà, azap, l'argent azap, appelle azap, l'argent. Azap. As soon as possible. On se rejoint as soon as possible. On se rejoint azap. Merci les amis, 105.4, restez connectés. Ciao. Yo.